les affaires, elles sont le pain quotidien de notre actualité, elles alimentent le soupçon qui pèse sur l'honnêteté de notre personnel politique, elles empoisonnent les relations entre les citoyens et leurs élus. Mais cette irruption intempestive des affaires dans la vie publique est-elle nouvelle ? Tous pourris, criaient déjà les ligueurs d'extrême droite dans les années 30, et la courte histoire de la 4e République, nous l'avons souvent évoqué ici même avec Monsieur X, a été émaillée de scandales financiers et de complots. Et un peu plus tard, alors que le général de Gaulle venait de quitter le pouvoir, on a même pu parler de gaullisme immobilier. C'était, paraît-il, pour reprendre la féroce expression de Michel Poniatowski, le temps des copains et des coquins. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de demander à M. X de revenir sur cette période pas si lointaine qui annonçait peut-être ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire les liaisons dangereuses entre l'argent et la politique. Mais à l'époque, les juges n'avaient pas encore conquis leur indépendance et dans nombre de dossiers, la lumière n'a pas été faite. Surtout lorsque se profilait derrière ces affaires l'ombre des services secrets. Rendez-vous avec X. En 1971, il y avait un mot à la mode, la morosité. Ah ouais, la morosité, ouais, je me souviens effectivement. Tout était morose, la politique, le social, sans compter qu'on n'en avait toujours pas fini avec mai 68 et le gauchisme. Le maire en pense. Oui, et même la télévision était touchée par ce climat délétère. La télévision où l'on venait de découvrir des pratiques pour le moins malsaines. Ah oui, c'était quoi, la publicité clandestine, hein. Et un affairisme scandaleux. À la télé, les grandes campagnes de solidarité publique profitaient d'abord aux animateurs et aux agences de publicité qui étaient grassement rémunérées. Mais Rosemary n'a donc rien à manger. Oui, enfin, l'escroquerie et la charité a toujours existé, malheureusement. Enfin, revenons à ce qui nous intéresse, les affaires. Oui, les affaires immobilières. Politico-immobilières, oui. Un mot avant, quand même. En 1971, c'est Jacques Chaban-Delmas qui est le premier ministre de Georges Pompidou. Mmh. Et la mort du général de Gaulle en 1970 a déchaîné tous les appétits. La maison gaulliste tangue, des compagnons historiques démissionnent. Et à l'intérieur même de la majorité, certains ont les dents longues. Mais Valéry Giscard d'Estaing. Bien sûr, le fringant ministre des Finances verrait bien vizir à la place du vizir. Autant dire qu'il ne ménage guère Chaban-Delmas. Et lorsqu'il ne peut pas agir lui-même, il envoie son fidèle lieutenant Poniatowski en première ligne. J'ai bien compris, alors, ses affaires. Vous savez ce que c'est qu'une SCPI ? J'ai dû savoir, mais aucune idée, non. C'est, enfin, c'était, parce que je ne sais pas si ça existe encore, une société civile de placement immobilier. Une structure juridique créée dans les années 60. Son but ? Permettre aux Français peu enclins à faire confiance à la bourse ou à la caisse d'épargne, qui offre des intérêts médiocres, de placer leur argent dans la pierre. La pierre, placement sans risque. C'est ça, surtout à une époque où l'on vit un formidable boom de l'immobilier. En outre, ces sociétés ont la particularité très intéressante de ne pas être imposées comme les sociétés commerciales habituelles. D'accord, mais dans la réalité, de quoi s'agit-il ? La raison d'être de ces sociétés est d'acheter des immeubles ou d'en construire et de les gérer. Ouais, c'est-à-dire de toucher les loyers. Exactement. Mmh. Et tous les souscripteurs ont donc l'impression de devenir par procuration agents immobiliers ou promoteurs. Propriétaires. Bien entendu. Un autre avantage est que l'on n'est pas obligé de souscrire de grosses sommes. Ouais, c'est donc fait pour le français moyen. Tout à fait. Et enfin, ce n'est pas la moindre attrait de ces SCPI. On est assuré de toucher des dividendes très importants, du 10% minimum par an. C'est en tout cas ce que garantissent les contrats. Ouais, c'est en effet tout à fait attractif. Hein. Et légal. Mm-hmm. D'ailleurs, le premier à monter une SCPI est un homme honorable, Raymond Roy. C'est l'époux de Ludmilla Chérina. Ah. J'ajoute, et ce ne sera pas sans conséquence dans cette histoire, que le couple est proche des Pompidou, donc proche du pouvoir. Ouais. Parce que ce Raymond Roy là, aura des ennuis lui aussi ? Bah, il sera inévitablement entraîné par la vague du scandale. Mmh. Pourtant, vous avez bien dit que le principe même de ces sociétés était légal. Je le confirme. Mmh. Mais interrogez-vous à propos de ces 10% et quelques d'intérêts. À une époque où la caisse d'épargne ne sert que du 5%, est-ce que franchement l'immobilier peut rapporter plus du double ? J'avoue que je n'en sais rien. Eh bien, je vous l'assure, c'est impossible. Mais est-ce que ces sociétés vont vraiment servir les intérêts promis ? Oui. Alors expliquez-moi. Oh, c'est simple. Les intérêts sont réglés avec l'argent que versent les nouveaux souscripteurs. C'est de la cavalerie, ça. C'est ça, oui, un procédé vieux comme le monde. Ouais. Une escroquerie, hein. Évidemment. Puisque peu à peu, les dirigeants de la société mangent le capital. Ce n'est pas tout, parce qu'à l'occasion, ils achètent eux-mêmes des immeubles qu'ils revendent beaucoup plus cher à leur SCPI. Et la différence va dans leur poche. Naturellement. Mmh. Un notaire, bien connu et qui finira très mal, participe à ces magouilles immobilières. Mais il faut bien reconnaître que ça marche tant qu'il y a des nouveaux souscripteurs. Et il y en a. des milliers. Et pour la plupart, ce sont des gens modestes, appâtés par les gains promis et aussi, il faut bien le dire, par une campagne de publicité très astucieuse. Je me souviens en particulier d'un slogan. Ouais, allez-y, là, je vous écoute. Attends, ça disait à peu près... Oui. En matière de placement, les Suisses nous trouvent plus suisses qu'eux. En effet. C'est amusant quand même. Et qui sont les dirigeants de ces sociétés? Vous avez raison de dire ces sociétés parce qu'on en comptera une bonne vingtaine. Mais il y en a surtout deux qui feront parler d'elles. La Garantie foncière et le Patrimoine foncier. Alors les dirigeants, me demandez-vous, d'abord de la Garantie foncière, si vous voulez bien. Mm-hmm. La cheville ouvrière, c'est un certain Frenkel, Robert Frenkel. Mais qui est ça? C'est un homme affable, bon vivant et entreprenant qui a débuté dans la confection et qui est ensuite devenu marchand de biens. Frenkel, disons-le tout de suite, est bien décidé à faire fortune. Par tous les moyens ? Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Frenkel, qui travaille donc déjà dans l'immobilier, est frappé par le succès de la SCPI créée par Raymond Roy. Roy, le mari de Ludmilla Tchaïna. Hein. Oui, et à son tour, il se lance éperdument dans l'aventure. Rien n'est trop beau pour attirer le gogo. On le reçoit dans de superbes bureaux, situés dans le 16e arrondissement, évidemment. Mais on organise aussi des croisières pour le mettre en confiance. Ça coûte très cher, tout ça. Certes, mais les chalands se précipitent et les souscriptions rentrent. Je crois qu'il y en aura une bonne dizaine de milliers, que la Garantie foncière drainera plus de 200 millions de francs lourds, comme on disait à l'époque. Quel rapport avec nos francs actuels, là ? Eh bien, vous multipliez par 8 ou 10. Effectivement, ça fait une somme coquette. Hein. Oui, mais je dois aussi vous parler de deux autres hommes qui vont jouer un grand rôle dans cette affaire. Le premier s'appelle Victor Rochenoir, un avocat d'affaires très malin qui est par ailleurs copain de régiment de Frenkel. Ça aide, oui. Oui, c'est lui qui a conçu l'architecture juridique de la Garantie foncière contre de confortables honoraires, bien sûr. Mais le contraire était étonnant. N'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que Rochenoir est aussi un politique. Quel bord, hein? Gaulliste. Gaulliste de gauche. Il a même appartenu à un cabinet ministériel et malgré quelques échecs électoraux dans la banlieue parisienne, il a été nommé au Conseil économique et social. En tout cas, Rochenoir connaît beaucoup de monde dans la galaxie gaulliste, à commencer par le président de la République. C'est la deuxième fois que vous me parlez de Pompidou. Et ce n'est pas fini. Vous insinuez que le président aurait eu à voir avec les magouilles des SCPI? Pas du tout. Toutefois, en tant que chef suprême des gaullistes, il ne pouvait pas passer à travers les gouttes. Mais parlons plutôt du troisième homme. Celui-là est emblématique. Emblématique, ça veut dire quoi ça? Bah, c'est celui qu'on met au premier plan, un parangon de respectabilité. Le comte Henri Rive de Lavesse, qui lorsqu'il siège au Palais Bourbon dans les rangs gaullistes, se fait appeler plus simplement Rive Henri. Ce député est là pour, inspirer confiance. Bien entendu, Rive Henri est distingué, toujours tiré à quatre épingles, il a beaucoup de relations et il a occupé de hautes fonctions. Quoi, par exemple? Il a été secrétaire général adjoint du mouvement gaulliste, mais il a aussi appartenu au cabinet de Chaban-Delmas lorsque celui-ci était président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs un homme originaire du sud-ouest, comme Chaban. Mais il a été élu là-bas? En 1968, il est devenu député d'une circonscription difficile dans le 19e arrondissement de Paris. Ouais. À la faveur de la vague bleue qui a suivi mai 68. C'est cela, oui. Et à la Garantie foncière, que fait-il là? Il a simplement un rôle décoratif? C'est toujours ce qu'il prétendra. Il affirmera qu'il a été nommé président de la Garantie foncière sans l'avoir vraiment recherché. Ah oui, à l'insu de son plein gré. C'est à peu près ça, oui. Enfin, il était en voyage en Corse. À son retour, il a appris qu'il était président de cette SCPI. Ben voyons. Vous avez raison, ça n'est pas très sérieux. Enfin, peu importe, au fond. Il est clair que si on l'a nommé là, c'est qu'on avait d'abord besoin d'une caution gaulliste pour couvrir des opérations financières douteuses. Et donc éviter d'éventuels soucis judiciaires. Oui, mais un grain de sable va très vite gripper cette belle machine. Quoi? Raymond Roy. Encore lui? Oui, Roy est furieux. Le succès de la Garantie foncière l'indispose. Il a l'impression que non seulement on lui a volé son idée, mais qu'on lui vole aussi sa clientèle. C'est-à-dire les souscripteurs. Hein. Et Roy, qui a le bras long, se débrouille pour en informer l'Élysée. Que dit-il? Je n'étais pas sous la table. Enfin, je pense qu'il a dû informer le pouvoir que la Garantie foncière se livrait à des activités douteuses. Des activités d'autant plus dangereuses qu'elles risquaient de compromettre la majorité, puisque la présidence de la société était exercée par un député gaulliste, Rive Henri. Et son intervention à l'Élysée a eu des effets? Oui. À l'Élysée ou à Matignon, on a demandé à un certain Chirac de pondre une note sur le sujet. Chirac qui était alors, secrétaire d'État, c'est ça? Ouais, secrétaire d'État au budget sous la tutelle d'un nommé Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est à partir de ce moment que les événements vont se précipiter. Rendez-vous avec X. Une confirmation d'abord. Raymond Roy, président de la Civile Foncière, société rivale de la Garantie foncière, est bien venu se plaindre à l'Élysée. Se plaindre et alerter l'Élysée. Et il a été reçu par son ami Jacques Foccart, l'ancien conseiller du général de Gaulle et qui est alors devenu celui du président Pompidou, le raconte dans le quatrième tome de son journal de l'Élysée, paru chez Fayard. La scène se passe au cours d'un entretien avec Chaban-Delmas. C'est Foccart qui parle. Un beau jour, en 1969, Roy est venu me trouver en me disant « Je viens vous voir en qualité de président de l'Association des sociétés immobilières et aussi en tant qu'ami pour vous signaler les agissements absolument incroyables de Rive Henry, qui est un député de la majorité et qui va aller à la catastrophe. Je m'y intéresse d'abord comme président de l'association parce que je ne veux pas que cette profession soit éclaboussée par des scandales et deuxièmement, car ce serait certainement un très mauvais coup pour la majorité. Je l'ai branché aussitôt sur Chirac, lequel Chirac a fait une note pour toi, a fait une note pour Georges et en a parlé à Jobert. Georges, c'est bien entendu Georges Pompidou. Autre chose, dans le tome 5 de ce journal de l'Élysée, Focard évoque à nouveau Rive Henry au cours d'une conversation qui se passe dans le bureau de Georges Pompidou. Il est question du financement de la future campagne législative, celle de 1973. Focard rend compte au président. Quant à Oufouette Boigny, comme la plupart des chefs d'État africains préoccupés par les élections françaises et leurs résultats, il m'a fait tenir une assez forte somme, je lui indique le chiffre, pour aider la campagne. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. J'en prendrai parti pour la campagne et je lui rendrai le reste. Il faut retenir que c'est un homme extrêmement gentil. Puis Georges Pompidou demande « Est-ce que les dirigeants d'Arabie Saoudite n'avaient pas aussi proposé quelque chose pour mon élection ?» Oui, je vous l'avais dit à ce moment-là. Voici comment cela s'était passé au cours d'un comité central, le dernier, auquel vous avez participé après le départ du général. J'ai été contacté par Rive Henry qui m'a dit « Les gens d'Arabie Saoudite veulent donner 4 milliards pour les élections et ils voudraient vous voir à ce propos. Je vous en ai rendu compte et vous m'avez dit qu'il ne pourrait en être question. » Conclusion provisoire. Rive Henry, intermédiaire entre les Saoudiens et les gaullistes, n'était peut-être pas seulement le personnage phallo et décoratif qu'il prétendra être. Mais reprenons. Monsieur X me parlait de Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas évoqué le nom de Valéry Giscard d'Estaing par hasard. Croyez-vous? Non, mais sérieusement, vous pensez qu'informé de cette affaire par son secrétaire d'État, Jacques Chirac, il a essayé de s'en servir? Écoutez, c'était tentant. La garantie foncière était présidée par un député gaulliste et son avocat était un autre gaulliste qui avait été membre du cabinet de Chaban-Delmas, l'actuel Premier ministre. Pour un homme qui aspirait à prendre le leadership de la majorité et être un jour président de la République, c'était pain béni. Mais pour affaiblir le camp gaulliste. C'est évident. La justice est donc informée par la rue de Rivoli. Oui, où se trouvait alors le ministère des Finances, il faut le rappeler. Hein. Oui, et au début de 71, une information judiciaire est ouverte. Mais l'affaire ne sera rendue publique que pendant l'été. Pour plus de discrétion? Ça n'est pas impossible. En tout cas, Frankel et son épouse sont écroués, l'avocat Rochenoir est à son tour incarcéré, et Rive Henry est inculpé. Il finira par démissionner de son mandat de député. Mais sous quel chef, lui, est-il inculpé? Escroquerie et abus de confiance. Ouais, je crois m'en souvenir, hein, c'est le scandale. Hein. Un scandale énorme, très embarrassant pour la majorité ou les gaullistes, c'est-à-dire l'UDR, forme le groupe le plus puissant. Très embarrassant aussi pour le Premier ministre, Chaban-Delmas. D'autant que bientôt, une autre SCPI va attirer l'attention de la justice. Et ça, c'est le patrimoine foncier. Oui, ça, hein. Et l'affaire est encore plus ténébreuse, plus mystérieuse aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'escroquerie? Non. Mais avant de voir ça par le détail, je vous propose de passer en revue les hommes qui vont être mis en cause dans ce nouveau dossier. On retrouve d'abord un personnage que nous avons croisé, l'avocat Rochenoir. C'est un spécialiste, celui-là. Croyez pas si bien dire. Cet avocat conseil est devenu l'un des meilleurs connaisseurs de cette filouterie immobilière. Et qui, dans ce nouveau, cette nouvelle société, là, joue le rôle de Frankel? Un nommé Lipski, Claude Lipski. D'où vient-il? Son père est un des rois de la ferraille. On murmure même qu'il aurait été lancé dans les affaires par le célèbre Joannovici. Le ferrailleur collabo. Là. Qui était en réalité un agent de Staline. Ouais, je me souviens, c'est en effet votre thèse. Oui, mais enfin, passons. Je ne sais pas si Lipski père a vraiment travaillé avec Joannovici, mais je sais que dans les années 60, c'est le fils qui se trouve à la tête des établissements Lipski, une petite entreprise prospère. C'est un milieu, là, les ferrailleurs, qui a donné lieu à pas mal de trafic. Hein. Exact. Fausses factures, fraude à la TVA, carambouille et autres broutilles. Et Lipski ne doit pas être le dernier à se livrer à ce genre de sport. Mais il voit plus loin. Il faut d'abord dire que la fin de la guerre d'Algérie est une aubaine pour les ferrailleurs. Pourquoi? Il y a les stocks de l'armée à récupérer et à mon avis, ça doit donner des idées à Lipski. Trafic d'armes? Oui, j'en suis à peu près sûr. Les armes déclassées intéressent beaucoup les pays du tiers-monde. Or, dans les années 60, de nombreux conflits ensanglantent ces pays. Ouais, il y a le Biafra. Hein. Par exemple, on a dit que Lipski avait livré là-bas des vieux coucous réformés. Des avions. Oui, des T6 américains que l'armée française avait utilisés en Algérie. Ça signifie que Lipski a noué des contacts fructueux avec certaines autorités politiques et militaires et les milieux barbouzards, tous ces gens qui servent d'intermédiaires lorsqu'un pays ne peut pas officiellement équiper une faction en guerre contre un pouvoir légal. Mais nous en avons souvent parlé. Ouais. Et derrière, il y a aussi fréquemment les services secrets. Naturellement. Hein. Donc Lipski élargit le champ de ses activités. Et lui aussi se dit que l'immobilier est décidément une formidable pompe à finances. Et il crée sa propre SCPI. Le patrimoine foncier, même technique, même appel au souscripteur, et bien sûr même appel à un paravent politique, un homme qui ne se trouve là que pour donner confiance aux épargnants. Et dans ce cas-là, qui est-ce là ? André Roulan. Cet ancien député UDR présente peut-être moins bien que l'élégant Rive Henry, mais pour Lipski, il a un autre avantage. Roulan a été chargé de mission auprès de Georges Pompidou lorsque celui-ci était Premier ministre. Et maintenant, Pompidou est président de la République. Intéressant, non ? Et Roulan, comme son alter ego, Rive Henry à la garantie foncière, est aussi nommé président du patrimoine foncier. Naturellement. Un président potiche et certainement honnête. Mais naïf. C'est bien le moins. Je précise aussi que Lipski a pris la précaution de s'adosser à un établissement financier au-dessus de tout soupçon. La banque Neuflize, Schlumberger et Mallet. La grande banque protestante. Un établissement parfaitement honorable et réputé pour sa rigueur. Ça cadre mal avec l'ancien ferrailleur Lipski. Vous avez raison, mais même dans les meilleurs établissements, on peut parfois céder à l'aveuglement. Et puis Lipski est un formidable battleur. Bref, il a réussi à devenir client de messieurs Neuflize, Schlumberger et Mallet, peut-être grâce à quelques complicités au sein de la banque. En tout cas, Lipski a été très habile, il s'est débrouillé pour avoir des dettes. Vous parlez d'un talent. Ne rigolez pas. C'est parfois très intéressant d'être endetté quand on veut lever de nouveaux capitaux. Je veux bien, mais il faut m'expliquer quand même. Dans le cadre de ses activités passées, Lipski a connu quelques déboires, vrais ou faux. C'est-à-dire ? Il a pu organiser ses ennuis et mettre de l'argent à gauche, si vous me permettez cette expression. Enfin, je vais vite. Donc, il est endetté lorsqu'il présente à la banque son mirifique projet de créer le patrimoine foncier. Qu'est-ce qu'il veut ? De l'argent ? Bien sûr. Et les banquiers se trouvent devant un vrai dilemme. S'ils refusent de le suivre, ils sont certains de ne jamais récupérer leur argent. Par contre, s'ils acceptent d'aider Lipski, ils ont une chance de se refaire. D'autant qu'ils ne peuvent ignorer l'engouement des épargnants pour le SCPI. Ouais. Alors ils plongent. Oui. Et ce faisant, ils vont non seulement se faire les complices involontaires d'une véritable opération de déstabilisation politique, mais ils vont aussi se trouver mêlés malgré eux à un sombre trafic. Rendez-vous avec X. Opération de déstabilisation politique, a dit Monsieur X. Sans déflorer la suite de son récit, voici quelques informations qui éclairent cette affaire. Remarquons d'abord que c'est Giscard d'Estaing, le ministre des Finances, qui le premier va porter le fer contre ces sociétés immobilières douteuses. Giscard d'Estaing, qui ne manque pas de faire remarquer que nous, républicains indépendants, sommes dans ces affaires totalement innocents. Bref, ce sont les autres, c'est-à-dire les gaullistes. Et son compère, Poniatowski, ne se prive pas de le dire publiquement. Ainsi, voici ce que je lis dans le livre de Philippe Alexandre, « Exécution d'un homme politique ». « Il faut ouvrir les yeux, dit Poniatowski. Un petit monde corrompu et corrupteur prolifère depuis 1958 à l'ombre du drapeau gaulliste. Après 14 ans d'un pouvoir sans contrôle, l'État est la proie des prévaricateurs. Nous sommes au temps des copains et des coquins, formule que le prince Michel emploiera quelques mois plus tard. Le Premier ministre ferme les yeux, car nul chez les gaullistes n'a autant d'amis que lui. Et quels amis ! Le gaulliste a été, depuis 30 ans, une belle aventure accomplie avec le concours d'aventuriers en tout genre. Et M. Poniatowski, pour augmenter les angoisses de l'UDR, laisse entendre que bien d'autres scandales vont suivre celui-ci. Ce qui compte, c'est de montrer Chaban comme le protecteur et le maître des fripons. Poniatowski consulte les indices de popularité du premier semestre 1971. Chaban est en tête, Giscard à plus de 10 longueurs. Il faut renverser la tendance pour ouvrir au ministre des Finances la voie royale de l'Élysée. Le prince Michel raffole de ses opérations de longue main. Alors, filouterie, mais aussi opération de déstabilisation politique. Je voulais laisser entendre depuis le début, c'est la conquête du pouvoir qui est en jeu, à l'intérieur même de la majorité. Elle a commencé il y a déjà un moment, quand Giscard a commencé à planter ses cactus, vous vous souvenez ? Ah, évidemment. Donc, soyons clairs, il s'agit d'abattre Chaban Delmas, d'obtenir que le président, pour éviter d'être compromis à son tour, le chasse de Matignon. C'est la priorité, parce que Chaban Delmas, Premier ministre, apparaît comme le successeur naturel. Mais attendez, à cette date, c'est-à-dire au début des années 70, On ne sait pas encore que le président Pompidou est malade. C'est juste, mais Giscard d'Estaing se prépare. D'accord, mais on peut comprendre, après tout, c'est la règle du jeu en politique, hein, que les adversaires de Chamon-Delmas vont exploiter ces scandales immobiliers. Mais, autre chose, les ont-ils suscités? Je ne sais pas. Enfin, disons que j'ai des doutes. Soyez plus précis. Bon, je pense surtout à l'affaire du patrimoine foncier. Il n'y a pas que Giscard d'Estaing qui cherche à atteindre Chaban-Delmas, dont il triomphera d'ailleurs lors de l'élection présidentielle de 1974. Avec l'aide de Jacques Chirac. Hein. C'est la vérité. À l'intérieur même du camp gaulliste, il existe des gens qui sont hostiles au Premier ministre. C'est parce qu'il trouve que son projet de nouvelle société est trop progressiste. Oui, n'oubliez pas qu'il a ouvert son cabinet à des gens qui sont notoirement de gauche. Oui, Jacques Delors. Hein. Et Simon Nora. Ouais. Ça ne plaît pas chez les gaullistes les plus conservateurs, parmi lesquels il y a des conseillers très influents de Pompidou, comme Pierre Juillet ou Marie-France Garraud, ou d'autres encore qui sont partisans de la manière forte. Qui exactement? Cherchez par exemple du côté des dirigeants du service d'action civique. Ouais, le SAC. Le SAC, oui. Or justement, Lipski, véritable patron du patrimoine foncier, magouillé avec des hommes du SAC. Donc il y aurait pu avoir une conjonction d'intérêts entre ces types du SAC, hostiles à Chaban-Delmas, et les républicains indépendants de Giscard d'Estaing? Pourquoi pas? Dans ces deux cercles, il existait des affinités. Ça datait de la lutte pour l'Algérie française. Le SAC, après la disparition du général, avait récupéré pas mal de ses militants perdus. Quant au camp giscardien, on sait qu'il comptait aussi des gens qui avaient été engagés de ce côté-là. Enfin, des gens qu'on retrouvera en 1974 dans les services d'ordre du candidat à l'élection présidentielle. Alors, il y avait des passerelles? Je pense, et ouais. Je m'interroge. Ouais. Je vous connais, hein, quand vous vous interrogez, c'est que vous pensez être près de la vérité. Je vous laisse seul juge. Alors, revenons au lien de Lipski avec le SAC. Volontiers, et nous en venons au second aspect de ce dossier. Ce sombre trafic que vous évoquiez. C'est ça, oui. De quoi s'agit-il exactement? De fils de fer barbelés, de ronces de fer, comme on les appelle. En 1970, l'administration des domaines met en vente un lot de plus de 40 000 tonnes de barbelés. D'où viennent-ils, ces barbelés? De la fameuse ligne Maurice. Oui, c'était la ligne que l'armée française avait édifiée à la frontière algéro-tunisienne. Et qui devait interdire aux félagas stationnés en Tunisie de pénétrer en Algérie, oui. Curieusement, ce marché suscite pas mal de convoitises. Est-ce qu'il y avait des bénéfices à faire? Apparemment. Vous avez des doutes? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier qui est intéressé est un certain Gilbert Zemmour. Il existe un lien avec le clan des gangsters du même nom? Et ceux qui ont inspiré Alexandre Arcadi pour son film Le Grand Pardon? Tout à fait. Gilbert est l'un des frères Zemmour. Curieusement, il semble abandonner l'affaire et se retire au profit d'une entreprise dont nous avons déjà parlé ici même, les Tech. Les Tech de Charlie Lascorz. Oui, une succursale du SAC, qui était en réalité une entreprise d'extorsion de fonds. Donc c'est Lascorz qui s'apprête à te soumissionner, mais finalement c'est Lipski qui emporte le marché. En accord avec les deux autres, avec Zemmour et Lascorz? Certainement, même si Lipski a ensuite essayé de les rouler, en oubliant de payer les commissions qu'il leur devait, mais enfin ça c'est de bonne guerre si je puis dire. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Hein. Pour réaliser cette opération, Lipski a créé une nouvelle société. Et il a mis à sa tête un homme qui est très proche des services secrets, une ancienne barbouze. Ouais, vous montrez le bout de l'oreille, là. Peut-être, enfin, poursuivons. En réfléchissant, ces barbelés sont vieux. Ils sont vraisemblablement rouillés et ils ne valent certainement pas les dizaines de millions de francs qu'ils sont censés valoir. Censés valoir, qu'est-ce que ça veut dire? Une nouvelle fois, Lipski est allé voir son banquier. Et arguant du fait qu'il doit déposer une caution auprès de l'administration des domaines, il obtient une nouvelle avance, 25 millions de francs. Une somme, non? Et pour bien faire, il prend aussi 25 millions dans les caisses du patrimoine foncier. Alors on est à 50 millions de francs, donc. Ça me paraît très cher pour du fil de fer rouillé. Et à mon avis, c'est complètement bidon. Bidon, pourquoi? Parce que cette affaire de fil de fer barbelé cache à l'évidence autre chose. Mais d'accord, mais quoi? Il n'y a que deux solutions, qui ne sont d'ailleurs pas contradictoires entre elles. Le financement d'un parti politique ou bien un trafic d'armes. Ou les deux à la fois, c'est bien ça? Faut bien payer les commissions. Mais ce trafic d'armes était destiné à quel pays? La présence de Zemmour, très liée à Israël, me fait penser au Proche-Orient. Et c'est en Israël que Lipski trouvera refuge quand il commencera à avoir des ennuis en France. Il pourra quitter notre pays très facilement alors même qu'il allait être arrêté. Oui, il a été prévenu. Bien sûr. Mais ce n'est que plus tard que la France obtiendra son retour et donc son jugement pour escroquerie. Mais malgré les procès qui verront les condamnations de Frenkel, de l'avocat Rochenoir, de Rive Henry et de Lipski, on n'entreverra jamais vraiment la vérité. Et surtout, on ne répondra jamais à la question principale, où est passé l'argent? L'argent des SCPI, là? Oui, ces dizaines de millions qui se sont évaporés, et dont on n'a jamais retrouvé la trace, même pas dans les comptes bancaires des principaux protagonistes. Mais ils sont où, ces millions, à votre avis? Écoutez, je vous ai donné les deux pistes qu'il faut suivre. Ouais, attendez, vous m'avez parlé des trafics d'armes et des caisses d'un parti politique. Oui, pour ma part, je pense que Rive Henry n'avait pas fait que parader à la tête de la garantie foncière. Dans les milieux gaullistes, il était bien connu pour être un spécialiste du financement des campagnes électorales. J'ajoute, c'est amusant, que Frenkel et Lipski, même s'ils ont abusé de la crédulité des souscripteurs qui leur ont fait confiance, n'étaient pas tout à fait de mauvais hommes d'affaires. Pour quelle raison? Parce qu'on s'apercevra plus tard que ces malheureuses victimes n'en ont en fait pas perdu grand-chose. Ah, ça mérite une explication, ça. Si la garantie foncière et le patrimoine foncier étaient des machines à attirer les gogos et si leur capital a été grugé, les immeubles qui leur appartenaient étaient quand même construits en bonne pierre. Et au fil des ans, ils ont pris de la valeur. Et les souscripteurs ont pu récupérer une partie de leur épargne. Bah, la morale est sauve, alors. Presque. Un dernier mot. J'ai lu récemment dans la presse que Lipski avait repris du service. Du service, c'est-à-dire? Eh bien, à Djibouti, au sein de la colonie militaire française, il a, semble-t-il, récidivé. Une magouille classique qui n'est pas sans rappeler celle du patrimoine foncier. Contre la promesse d'intérêt annuel faramineux, il aurait obtenu que plusieurs dizaines de militaires lui confient leurs économies. Mmh, pour les placer? En principe, oui. Et vous connaissez le principe, on paie les intérêts avec l'argent des nouveaux souscripteurs, puis ça dure, le temps que ça dure, jusqu'au moment où un maillon cède, mais enfin je ne veux pas en dire plus. Lipski est en prison, mais en attendant son procès, il est présumé innocent. Thierry Volton, dans son livre « Les écuries de la cinquième », a décortiqué ce scandale immobilier de la garantie foncière et du patrimoine foncier. Mais, en guise de conclusion, je voudrais revenir à l'ouvrage de Philippe Alexandre « Exécution d'un homme politique » paru chez Grasset en 1972, je le cite. « Depuis 1960, la France a investi, spéculé, bâti et négocié avec frénésie. Les hommes politiques ne sont pas restés devant cette fièvre d'or et de pierre des spectateurs insensibles. Ils ont créé des villes, des zones industrielles, des stations touristiques et des autoroutes, sachant exactement combien de milliards valait leur intervention ou leur décision. Le pouvoir enrichit bien davantage qu'il y a 20 ans, lorsqu'il fallait seulement relever les ruines. Et les gaullistes, qui ont exercé ce pouvoir avec une remarquable continuité, n'ont pas manqué de s'en servir. Avec plus ou moins d'ostentation, ils ont acheté de la pierre, des terres, des titres, ils ont recueilli les dividendes de l'essor économique. Un député sur deux, deux ministres sur trois ont pris part à ce jeu de l'argent, sans trop de scrupules, parce qu'ils étaient invités à le faire. Certains ont été prudents, habiles, d'autres non. Érive Henry, inculpé, pouvait se dire « J'ai connu ces hommes-là il y a 15 ans. Ils vivaient de petits expédients, comme moi. Ils prenaient le métro, portaient des costumes élimés, passaient leurs vacances dans des hôtels de 15e ordre, comme moi. Je les regarde à présent. Un traitement de parlementaire laisse juste de quoi vivre. Un traitement de ministre, à peine davantage. La politique offre de nos jours des ressources immenses. Il faut être héros ou fou pour les négliger. » Un texte, à mon avis, que l'on peut toujours méditer. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet, franceinter.com. Vous pouvez réécouter cette émission sur internet, vous pouvez aussi nous écrire et nous donner votre avis.